moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Sur la route des vacances, la mythique Nationale 7. Ce sont près de 1000 km qui s'ouvrent devant nous avec la route Nationale 7, la route qui conduit de Paris en Italie, de l'Italie à Paris. Serait-elle l'écho d'une ancienne voie romaine, une route médiévale et postale ou une route royale de Louis le 18e? Pour beaucoup, évoquer cette route, c'est un peu comme croquer dans une madeleine quand il s'agit de quitter l'usine et la grande ville pour partir en vacances. Comme c'est bon les vacances, et comme il faut les aimer pour vouloir partir. Et puis la Seine vaut bien la mer. La berge d'Auteuil peut dès maintenant se nommer la plage d'Auteuil, bien que les guides ne fassent pas encore mention de cette villégiature familiale. Les sages restent à Paris, dans ce Paris d'été où, au lac d'Auménil, ils retrouvent la Sologne, au bois de Vincennes, la forêt d'Hôtes, et où Montmartre vaut bien le Mont Blanc. Les boîtes des quais recèlent toujours les plus belles aventures, et seul le pêcheur à la ligne et les amoureux savent quel est le plus beau voyage. Nous étions au mois d'août 1945 dans le journal des actualités françaises avec les vacances d'été présentées. Bonjour Mathieu Flonneau. Bonjour Xavier Menu. Cette route nationale 7, je l'évoquais, peut-on dire qu'elle est l'héritière d'une ancienne voie romaine ? Elle hérite beaucoup, elle crée aussi elle-même du temps de l'automobilisme, mais c'est effectivement un axe structurant historique, patrimonial, de la France du nord au sud. Vous venez d'évoquer un mot, l'automobilisme, pouvez-vous nous le définir ? Bien sûr, alors c'est précisément par rapport à votre série, une dimension plus peut-être sociétale, culturelle, politique, patrimonial, qu'il s'agit de découvrir, de sonder avec son épaisseur, avec ses diversités, au-delà de ce simple objet fascinant en soi, certes, industriel, économique, qu'est l'automobile. Donc l'automobiliste, c'est beaucoup plus que l'auto. Oui, parce que pour parler de l'histoire de l'automobile en tant que véhicule de voiture, et on pourrait aller plus loin parce qu'il y a les camions également, c'est l'ensemble de la société qui se présente devant nous. Tout à fait, c'est une coupe géologique tout à fait intéressante pour saisir quelles sont les modalités de fonctionnement d'une société. Encore une fois, ces équilibres, ces possibles déséquilibres, ces tensions, c'est une évidence et l'actualité la plus contemporaine nous le rappelle chaque jour autour des usages que précisément l'automobilisme comme écosystème englobe. À quel moment dans notre histoire, la Nationale 7 apparaît de manière très nette, identifiée comme étant une route des vacances ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui mérite un peu d'attention. Il y a des érudits, des historiens patentés de cette route royale, nationale, mais il est évident que quelque chose frappe l'historien du social, l'historien du massif, l'historien du capacitaire et du robuste. C'est évidemment à l'âge industriel, mais surtout à l'âge automobile, que cette route nationale revêt cette dimension fondamentale qui est celle de l'échappatoire des grandes villes, que ce soit Lyon ou Paris, qui sont sur son axe, c'est-à-dire une société massifiée, une société de loisirs, une société qui répartit le temps, qui n'est plus qu'un temps de travail, mais qui peut être également un temps de vacances. Et donc évidemment, toute cette mythologie, nous l'avons bien en tête, il faut attendre pour cela des congés payés, il faut attendre pour cela la démocratisation de l'automobilisme, et donc grosso modo, elle devient ce qu'elle est aujourd'hui dans la vision nostalgique que l'on en a à partir des années 1950, c'est-à-dire à partir du moment où cette société accède à un certain niveau d'aisance sociale suffisant en tout cas pour se penser de temps en temps l'été en vacances. pour la date des congés payés, globalement, ça va, on s'en sort, 1936, le Front Populaire. Pour la dater la démocratisation de la voiture, ça c'est beaucoup plus complexe. Alors, si je rattache à votre question sur la Nationale 7 vue de 36, ça n'est pas si signifiant que cela, puisque 1936, les historiens spécialistes de la question l'ont prouvé, les Français sont partis en vacances plutôt en train, plutôt à bicyclette, voire en tandem. Ces fameuses théories de taco avec les pullovers assortis que Léon Blum décrivait. Toujours est-il que l'automobile ne jouait pas un rôle. Alors la démocratisation de l'automobile, elle est datable, vous avez raison. Ce sont les premiers modèles populaires, des modèles conçus pendant les temps de pénurie, essentiellement la Citroën de chaux, la Dyna Panhard et la Renault 4 chevaux. Et donc là, on a quelque chose que Doineau va transfigurer avec ses fameuses photos de pique-nique et ses fameuses photos éventuellement d'embouteillage qui vont devenir un élément structurant de la France des loisirs. Il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale, mais très rapidement après la Seconde Guerre mondiale, pour voir apparaître ces modèles accessibles au plus grand nombre. Oui, c'est les classes populaires. Stanley Hoffman disait qu'il y avait une ruée vers l'automobile. Eh bien, l'effet de rattrapage et l'effet de motorisation touchent, en termes de pourcentage, plus les classes moyennes et populaires que les classes aisées qui sont déjà motorisées à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que justement pour accéder à l'automobile, il y a un marché de l'occasion, un marché de la seconde main qui commence à se créer puisque le parc se renouvelle aussi de l'intérieur. Et donc, on a un marché qui va s'auto-générer en quelque sorte et s'entretenir. Et la Nationale 7, c'est une infrastructure. On reviendra sur le rôle de la route, j'y tiens beaucoup. Mais ce sont des bords de route. Ce que les Américains appellent les road size et que les Américains ont patrimonialisé un peu plus tôt que chez nous. Il y a des séries de conférences aux États-Unis sur Preserving the Historic Road qui, depuis le phénomène de patrimonialisation en soi est intéressant, depuis le début des années 2000, ont commencé à réfléchir à cette épaisseur dont je rappelle les données politiques, culturelles, sociales de la route. Et donc la route n'est pas que la route. Oui, la route n'est pas que la route, c'est cet automobilisme. On comprend très bien dans ce que vous expliquez, Mathieu Flonneau, que ça dépasse largement le véhicule avec cette notion de patrimoine. Vous voulez du patrimoine, en voilà. À l'occasion du deuxième anniversaire de la mise en fabrication de la 4 chevaux, la régie Renault a mis en loterie pour ses ouvriers la 100 millième voiture sortie de ses usines. C'est à un ouvrier belge, M. Van der Straten, que M. Le Faucheux, directeur de la régie nationale, a remis la dernière née des usines de Billancourt, dont le millésime dit assez le succès auprès du public. Ah, la 4 chevaux dans les actualités françaises en 1950, c'est en 1950 la 100 millième 4 chevaux. Quel est ce véhicule, Mathieu Flonneau? Parce que nous parlons de la 2 chevaux, de la 4 chevaux, évidemment, mais patrimonial. C'est un symbole qui n'est pas encore patrimonial pour les gens, au sens où c'est du concret, c'est la route des vacances. On va pouvoir partir sur ces voitures. Oui, oui, tout à fait. Bah, la 4 chevaux, c'est une voiture minimale. C'est une voiture qui répond, somme toute, au cahier des charges que la Société des ingénieurs de l'automobile avait dressé pendant la crise des années 30 pour un modèle susceptible d'élargir le marché aux classes moyennes et populaires. C'est un véhicule qui a quatre places, c'est un véhicule qui a le moteur à l'arrière. On dit que l'inspiration venait de Ferdinand Porsche qui avait été un petit peu capté à la fin de la guerre en guise de réparation et qu'il avait donc donné son avis sur ce modèle conçu par Georges Picard chez Renault pendant l'occupation. C'est la mode de beurre. Au début, les couleurs de la 4 chevaux sont celles des stocks de l'armée allemande de l'Afrika Korps, dit-on. Beaucoup de légendes entourent évidemment ce véhicule. Toujours est-il que sa diffusion, elle est adossée à la nationalisation des usines Renault, de la régie nationale des usines Renault. Et cela devient donc une affaire nationale. Et c'est là quelque chose qui va porter la croissance économique française. Et dans la bataille de la production qui, dans l'éventail politique, fédère tous les partis, et le tripartisme de l'époque se retrouve, parti communiste en tête, dans l'effort national pour produire et relancer les usines Renault à Billancourt, bien évidemment, mais au Mans et dans d'autres villes où Renault est implanté. C'est une histoire qui nécessite un regard en hauteur, on le dit bien, une histoire nationale, politique, et puis qui est au plus près des gens avec ces automobiles, qu'il s'agisse de la 2 chevaux ou de la 4 chevaux. Il y a la possibilité de bricoler, de travailler le moteur, d'échanger. Les gens ont ce véhicule et ça crée un lien très fort, énormément de discussions, on compare, on porte les projets, on va aller là en vacances. Très important, cet automobilisme, ça s'inscrit dans toute la société. Mais c'est la convivialité que certains certains parfois ont un peu de mal à comprendre autour de l'automobile, laissant l'objet, alors historiographique c'est une chose, mais l'académisme n'est qu'un tout petit monde, mais laissant l'objet dans une forme de mépris, alors que effectivement c'est la vie quotidienne. Et il n'y a rien de petit finalement dans ces joies quotidiennes que un philosophe américain Matthew Crawford a décrit. Hein. C'est véritablement cette logique du do it yourself, de la capacité d'intervenir, de retrouver un sens au travail. Ceci est capital. L'éloge du carburateur, c'est bien cela. C'est-à-dire que le week-end, vous avez dans les garages, en famille, avec cette transmission générationnelle, eh bien des compétences, des discussions, une vie. Ouais, une vraie vie. Puis ces moments de vie s'inscrivent dans le calendrier avec le salon de l'auto. Parce que au moment de penser l'histoire de la voiture, nous voyons bien que dans les premiers temps, à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il s'agit de voitures de luxe. Là, il faut beaucoup d'argent pour avoir une voiture, parfois même pas loin de l'objet unique. Ici, c'est accessible à tout le monde. Il y a un changement de représentation de l'ensemble de la société à partir du moment où tout le monde peut espérer avoir une auto. Tout à fait, et la France connaît ce que vous avez décrit à d'autres moments dans votre série, c'est-à-dire ce qui a touché les États-Unis d'Amérique de plein fouet dans les années 1910-1920, une motorisation qui, par cercle concentrique, continue à s'étendre, gagne des minorités, et ce point-là est absolument capital, c'est-à-dire que le phénomène de l'automobilisme est profondément un phénomène inclusif. On va gagner les femmes, au volant. On va gagner des minorités, et dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose de très important. On va gagner une souveraineté, une capacité de projection, de déplacement, d'émancipation qui est liée à la possession d'un véhicule. On va sortir des assignations localiste. On va véritablement créer une société avec ses revers, bien évidemment, il s'agira de les décrire également, mais et une forme d'ébriété également, de mobilité, mais une société qui va encourager la conjonction entre précisément une forme de mobilité sociale et de mobilité effective des personnes. Et ce qui va accompagner tout cela, eh bien, c'est une gigantesque infrastructure, un réseau routier qui préexiste en France, mais qui va naturellement être très adapté au cours des années 1950, 60, 70. Ah bah c'est la gloire nationale d'avoir un grand réseau routier. Celui de France, en comparaison avec d'autres pays, n'a pas du tout à rougir. Omnibus à chevaux, cache-poussière et voilette, image chère au cœur de tous les vieux parisiens, que la Fédération des transports routiers, pour les derniers jours du Salon de l'Auto, a voulu recréer un instant. Fini les phaétons. Il y a maintenant ces monstres familiers, mastodontes, qui crachent de tous leurs cylindres. Un à un, les poids lourds ont repris la route. Une route qui, de mois en mois, se transforme et se modernise. Et avec eux, la France retrouve sa richesse. Avec ses 633 000 km, le réseau routier français est le plus dense du monde. Et entre ses nationales, les départementales, les vicinales qui lui donnent sa souplesse, tissent une gigantesque toile d'araignée. Où le chemin de fer ne peut aller, la route passe. Présentation glorieuse du réseau routier français en 1946 dans le journal des actualités françaises. Mathieu Flonneau, bien sûr, il y a de la gloire nationale ici. Avoir un véhicule, c'est une bonne chose, mais il faut trouver une route sur laquelle rouler. Oui, et ce que dit très bien cette belle archive, c'est la diversité des routes, les vicinales, les départementales, les nationales, et puis ce qui va arriver également, les autoroutes, jusqu'aux 10 000 km actuels d'autoroutes concédées. Moi, en écoutant cette archive, une image me vient, c'est celle de François Collard et la France travaille. La France travaille, la France se reconstruit, la France qui a tendu ses ressorts de modernisation pendant la crise des années 30 et qui a rongé sans frein pendant les 4 années d'occupation, eh bien retrouve là une forme d'ampleur, une forme d'ampleur qui pénètre les territoires. Et cette dimension de capillarité que permet l'automobile avec sa flexibilité, avec sa souplesse, eh bien, elle donne une renaissance à toute une civilisation routière qui avait été redynamisée par l'invention de l'automobilisme au début du XXe siècle, mais qui très clairement, avec sa massification, eh bien, connaît une ampleur et une diffusion, un déploiement qui n'a pas d'équivalent à ce stade. Et ça a évidemment des effets pervers, parce que ces routes, il faut les entretenir, il faut les équiper. Dans un récent ouvrage, je me suis intéressé à toutes ces entreprises qui ont eu pour charge de rendre plus sécures des routes qui désormais devaient pardonner, parce que parmi les revers, il y a l'insécurité routière, bien évidemment, et ces routes ont été balisées, ces routes ont été marquées au sol, ces routes ont été équipées. Et il y a des jurisprudences qui font qu'une route équipée doit le rester. Et c'est la forme de responsabilité des pouvoirs publics de l'entretenir, ce qui n'est pas sans poser d'énormes problèmes financiers aujourd'hui, parce que le coût de la route est réel. Et oui, parce que le réseau routier est imposant, donc des coûts très forts en tous sens. Oui, en tous sens. Circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route. C'est votre ouvrage, Mathieu Flonneau. Dire réseau routier très dense, parler de routes qui nous permettent de traverser la France ou d'aller dans des coins un peu reculés, ce n'est pas dire ce qu'est cette route par son revêtement. Parce que il y a cette histoire-là aussi à écrire en 1946, c'est-à-dire au moment où, ça y est, les congés payés sont là et que la voiture se démocratise, donc au moment où les gens peuvent prendre leur voiture pour partir en vacances. Quel est l'état de la Nationale 7? On roule sur quoi? C'est comme aujourd'hui La route Nationale 7 est bitumée, la qualité de l'asphalte, elle dépend aussi des départements qu'elle traverse. Il y en a de multiples que la Nationale 7 traverse. il y a un entretien, effectivement, qui est très important, alors qui est effectué par des entreprises locales, non délocalisables. Et donc, à l'heure de la réindustrialisation, il faut bien réfléchir, effectivement, à qui peut être engagé dans ce processus général d'écosystème et de mise à niveau. Et donc, la route, de ce fait, est équipée, est élargie. Elle est structurée de façon parfois étrange, mais que vous avez probablement connue, puisque nous sommes globalement de la même génération. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des chaussées à trois voies, avec une chaussée centrale extrêmement dangereuse où il était possible de dépasser par alternance. Mais il fallait un peu de bienveillance de la part du conducteur en face pour vous laisser dépasser le premier. Enfin, des situations dangereuses, effectivement, qui ont été progressivement régularisées. Des bords de route qui peuvent être aujourd'hui extrêmement inquiétants par les accidents qu'ils provoquaient, c'est-à-dire des bords de route arborés. Et c'est un des charmes de l'ombre proposée par les platanes de la Nationale 7, bien évidemment, de plus en plus rares. Thierry Dubois, l'historien de la Nationale 7, les recense, bien évidemment, mais il y en a de moins en moins. La route est globalement désormais un rail. La route moderne est un rail avec des glissières de sécurité qui ont toute une histoire, avec des professions qui les ont accompagnées, des nomades, des courageux de la route, qui, H24, font fonctionner un réseau. C'est le seul réseau. L'aviation s'interrompt, les aéroports ferment, les gares ferment. Il peut y avoir beaucoup de grèves. La route, il n'y en a pas. La route, c'est H24 et c'est capacitaire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une problématique totalement différente du reste des autres modes de transport et des autres mobilités. Et la route est plurielle. C'est une infrastructure. Elle peut porter des vélos, elle peut porter de la marche, bien évidemment. Et les reconversions de la Nationale 7 peuvent être nombreuses. Mais le slow tourisme qui gagne la Nationale 7 est évidemment inscrit dans la capacité, dans le potentiel de l'infrastructure. C'est ça, sa richesse. Avec ces touristes qui partent en vacances, bien sûr, d'où la route des vacances. Mais il faut rappeler combien la Nationale 7 est une route empruntée par les camions qui font venir depuis l'Italie, enfin ou Marseille même, énormément de produits. Et au moment des vacances, tout le monde se croise sur cette route. Alors, c'est effectivement un problème. C'est-à-dire que une mesure très simple qui était adoptée au cours des années 60-70 et généralisée, c'est le partage par zone effectué par le ministère de l'Éducation nationale pour échelonner les départs. Ça tombe bien, ça correspondait avec les impératifs de l'industrie du tourisme et hôtelière pour séquencer les séjours. Toujours est-il que l'on a interdit aux poids lourds, qui sont les professionnels de la route, les grands routiers. Il y a des pages extraordinaires de Blaise Sandrars sur ces grands routiers qui ont une éthique de la route, qui méprisent la 4 chevaux du dimanche et du départ en vacances, et qui en imposent, évidemment. Et ces grands routiers qui ont un métier extrêmement dur. Il y a quelques femmes, mais c'est encore un métier extrêmement genré. Ces grands routiers dont on voit bien le Marcel, dont on voit bien les étapes, dont on voit bien les relais routiers qui apparaissent au cours des années 30, avec des professions qui se structurent, des professions qui vont avoir leur code. Eh bien, il y a là une lecture diverse de la Nationale 7, qui n'est pas la lecture de Monsieur Tout-le-Monde, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la vôtre, lorsque nous avons la chance de l'emprunter pour partir en vacances. Eux, c'est la route, c'est leur route. Et je suis très sensible à ce que vous évoquez, Mathieu Flonneau, sur ces travailleurs de la route. Qu'il s'agisse des routiers, c'est une chose, et de tous ceux qui entretiennent la route avec ce nom de route nationale. Mais ceux qui travaillent sur cette route ne sont pas des gens qui travaillent pour une entreprise nationale. Là, on revient au local. Oui, à ceci près que, si l'on revient sur la structuration générale de l'écosystème routier, évidemment, les ponts et chaussées qui apparaissent en 1747 structurent nationalement, avec cette grande école, avec ce concours prestigieux, avec ces ingénieurs prestigieux, structurent l'encadrement. Et il en reste beaucoup de choses aujourd'hui. Le CEREMA, quelque part l'IDRIM, les routes et les rues, sont les héritiers de cette structure nationale qui a tendance à être fragilisée, je le dis au passage. Et c'est d'ailleurs l'objet des colloques que j'organise prochainement à Cerisy-la-Salle sur comprendre la route. Qui la gère? Eh bien c'est local, mais c'est aussi national. Et les critères, les normes, les certifications sont éventuellement nationales, voire européennes. Vous avez des éléments également qui font circuler des qualités et des certifications au niveau international qui s'appliquent aux routes. Après, les entreprises sont délocalisées, effectivement, et il y a toute une économie, parfois artisanale, et c'est tout à fait passionnant d'aller à la rencontre, je l'ai fait, pour la rédaction de cet ouvrage, et vous avez des structures familiales qui, encore aujourd'hui, avec des petites entreprises, des PME, eh bien, entretiennent les routes. Oui, parce que ce ne sont pas que des histoires de grosses entreprises multinationales au plus près de la route. Il y a ces gens, donc des artisans du coin qu'on appelle pour alors une réparation. Il y a des histoires de sécurité, de panneaux. Et puis après, là, dès qu'il est question de l'asphalte, du bitume, j'imagine que tout devient beaucoup plus complexe. Mais oui, il y a nécessité d'agir en urgence parfois. C'est exact. Et ça va du cantonnier, de l'héritier du cantonnier au CAC 40. Ça va de... Voilà, c'est très pyramidal, c'est certain, y compris dans les représentations, parce que somme toute, on a tendance à oublier celui qui effectue vraiment le travail. C'est un monde très dur, hein. J'ai évoqué les courageux tout à l'heure. Je suis allé sur des chantiers nocturnes, accompagné par des entrepreneurs. Voilà, c'est beaucoup d'immigrés, c'est beaucoup d'emplois très durs. Ouais, de travail Et on passe à 150, enfin pas à 150, mais c'est arrivé pour des accidents tragiques à côté. Oui, parce qu'il faut rappeler combien ces gens-là mettent leur vie en danger. En tout cas, il faut énormément de sécurité. D'ailleurs, c'est rappelé au moment où l'on prend la route. Mais parfois, les gens ne passent pas à 150 tout simplement parce qu'il y a des embouteillages. Que des travaux soient en cours, travaux infaisables l'hiver à cause du gel, et c'est l'extraordinaire embouteillage sur plusieurs kilomètres. Les bohémiens, c'est ainsi que l'on appelle dans les villages les ouvriers qui refont la route, préfèrent avoir la protection de la gendarmerie, car ils se font incendier par les conducteurs irascibles. Il arrive même parfois que des bagarres éclatent. Depuis combien de temps vous travaillez sur cette route ? Bon, ben, y a un moment qu'on y travaille, il y a 2 mois. Oui. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Oh, moi, il y a 20 ans. 20 ans ? 20 ans que vous travaillez constamment sur les nationales ? Ouais. Pour les refaire. Enfin, les nationales et puis les départementales, on fait un peu tout. Ça vous fatigue pas, ça vous attriste pas de voir tous ces gens qui partent en vacances pendant que vous travaillez ? Oh bah, ça nous donne bien un petit peu la flemme, mais enfin. Ouais. Alors enfin, faut bien travailler en 1968, un reportage, une semaine sur la Nationale 7, avec cette rencontre entre ceux qui partent en vacances coincés dans les embouteillages et qui râlent parce qu'il y a des travaux. C'est une belle archive, ça aussi. On n'a jamais vu un conducteur et un usager heureux d'être ralenti dans des travaux. Mais toutes ces professions nomades, le mot de bohémien a été employé, c'est effectivement quelque chose d'assez structurant. J'ai en tête la biographie, un témoignage ouvrier très rare pour l'histoire du travail, justement, quelqu'un qui a pris la plume sur la fin de sa vie et qui a raconté comment il avait métallisé la France. C'est-à-dire construit les dispositifs de retenue et de sécurité sur les chaussées. Alors c'est très intéressant parce qu'il avait métallisé le circuit de Montlhéry. Et puis de part en part et de kilomètre en kilomètre, il a métallisé toute l'autoroute A1. Et il se déplaçait avec sa caravane. Il était effectivement responsable de beaucoup d'employés temporaires, etc. Mais là, je me permets une incise, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché lorsque j'avais écrit sur cette personnalité. Il m'avait fait penser aux anciens cantonniers, précisément, et aux mouvants, aux mobiles, aux cheminots qui accompagnaient les trajets. Et en 2018, le Mondial de l'Auto avait fait une exposition sur les routes mythiques et on avait déplacé, eh bien, un véhicule qui accompagnait le rouleau compresseur. Et il y avait la caravane derrière. Et quelqu'un visitait le chantier et avait dit « Ma mère a travaillé dedans et a accompagné mon père ». C'était tout à fait touchant. Ouais, c'est très touchant parce que on le voit bien. Hein, et quand, pour présenter cette émission, l'information est diffusée, on sent que cette route nationale 7 évoque énormément de souvenirs. Alors, des souvenirs qui sont parfois confus et ambigu, c'est-à-dire que il y a l'aspect positif du départ en vacances, il y a le souvenir de ces très nombreux accidents dans le même temps, il y a le souvenir du sud qui s'annonce et le souvenir de l'embouteillage. C'est une route complexe, mais c'est en cela qu'elle est intéressante. Oui, alors la nostalgie de la Nationale 7, elle est sympathique aujourd'hui, évidemment. C'est-à-dire que les départs en vacances sont plutôt des moments de presse, des moments de stress, parce que les voitures tombent en panne, ça on a tendance à l'oublier, hein, mais la grande fiabilité des véhicule, elle est quand même assez récente. Et puis, évidemment, il y a des goulots d'étranglement, des congestions, parce que les chaussées qui traversent les villes, et là on passe de la route à la rue, eh bien ne sont pas adaptées, évidemment. Et d'où le spectacle de ces étonnants voyageurs, au sens malouin du terme, qui prennent plaisir à reconstituer des embouteillages. On se dit, c'est pas possible, mais si, précisément, on se met en costume d'époque, on ressort les véhicules qui végétaient dans les garages, et on va s'embouteiller pour le plaisir. Pourquoi ? Ben parce que c'est une image de cette France rêver pour beaucoup, et évidemment je souscris aux guillemets aux Trente Glorieuses. Néanmoins, il y a une réalité inclusive de ces Trente Glorieuses, il y a une réalité aussi universaliste de ces Trente Glorieuses. Puis le dernier mot, je le lâche quand même, c'est une réalité profondément humaniste. Humaniste, pourquoi ? Bah parce que c'est de l'humain, ce sont des sensations. Déjà, à titre individuel, la route est sensationnelle. De même que l'automobile. C'est pour ça qu'il y a une transitivité entre les deux patrimoines, le patrimoine de la route et le patrimoine de l'automobilisme. Et puis ensuite, vous l'avez dit, on en cause. On en cause au bistrot, c'est le café du commerce, ce sont les remémorations des vacances, c'est évidemment cette épaisseur qualitative que nulle conduite autonome ne saura jamais restituer. Et puis vous avez évoqué, Mathieu Flonneau, des effets générationnels. Effectivement, nous sommes de la même génération, au sens où c'était le président Giscard qui était à l'Élysée quand je suis né. Et dans cette histoire-là, il y a aujourd'hui dans la transmission, et c'est en ça que la reconstitution est intéressante, des sensations disparues. Les véhicules d'aujourd'hui ne sont pas les véhicules du passé par leur confort. Pensons simplement à la climatisation. Bah oui, ne serait-ce que cela. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on conçoit mal des habitacles surchauffés l'ouverture des fenêtres, évidemment, dans les embouteillages est quelque chose de fondamental. La généralisation de la climatisation, enfin, c'est une histoire des équipements automobiles qui est tout à fait passionnante, mais c'est récent, ça a 2-3 décennies, pas plus. Autrement dit, ce n'est pas contemporain du tout de la Nationale 7 où on y transpire, finalement, peu de choses différencient le père de famille ou la mère de famille du chauffeur de poids lourd. On est à la peine sur la Nationale 7, mais on se souvient de cela. Et c'est cela qui crée une forme de solidarité de l'effort. Solidarité de l'effort sur la Nationale 7, avec parmi toutes les différences qui pouvaient exister entre un voyage sur la RN7 du passé et un voyage aujourd'hui, la sécurité routière. Avant que vous ne preniez la route, avec votre ceinture de sécurité obligatoirement bouclée, voici une illustration de ce qu'il ne faut pas faire et des sanctions qui vous guettent désormais. Vous devez respecter les stops. Si vous grillez le stop, vous risquez 1 à 4 mois de suspension du permis de conduire et une forte amende. Doublé en troisième position, en franchissant en plus une ligne continue, cela équivaut au retrait systématique du permis pendant 6 mois si vous n'êtes pas en état d'ébriété et si vous n'avez pas provoqué d'accident, sinon la suspension peut aller jusqu'à 30 mois. N'oubliez pas que les routes sans panneaux sont toutes limitées à 100. Pour les routes à panneaux, rien ne change. Il suffit de respecter ces panneaux. En 1973, le journal télévisé était obligé de rappeler des règles de sécurité routière nouvelles et d'évoquer des routes sans panneaux et des routes avec panneaux. Parce que l'équipement n'était pas encore celui d'aujourd'hui, où, c'est vrai qu'il faut le dire, la densité est très forte quand il est question de panneaux et d'indications. C'était pas le cas. Tout à fait, au risque parfois d'être perçu aujourd'hui comme un surcroît et des panneaux superfétatoires, trop de panneaux, tulpanneaux finalement sur l'information. Mais l'archive de 73 dit les choses. 73, c'est une année après la création de la délégation interministérielle à la sécurité routière qui a commémoré l'année dernière son cinquantenaire. Une anthologie de textes a été d'ailleurs constituée pour cela parce que c'est une politique publique. Une politique de santé publique. On part de, selon les décomptes, 16 à 18 000 morts, selon que l'on prend le mort à un mois ou à quelques heures de l'accident. 18 000 morts, c'est plus que la guerre d'Algérie. La France est marquée par cette hémorragie, essentiellement masculine, faut-il le rappeler, en tout cas à l'origine des accidents. Et naturellement, il y a là une dimension que l'État ne pouvait plus ignorer. Alors, le président Pompidou n'a fait qu'accompagner une politique que son premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, avait initiée. Mais en 72, on prend à bras-le-corps ce problème qui est un scandale, évidemment, absolu. Et on va faire diminuer. Les limitations de vitesse sont un axe de l'intervention. La ceinture de sécurité en est un autre. Et les mesures sur l'alcoolémie, c'est le triptyque. C'est le troisième. Mais il va y avoir des résultats spectaculaires. C'est-à-dire que la courbe va s'infléchir, première chose. La courbe ne va cesser de diminuer. Et de rupture en rupture, il n'y en a pas eu tant que cela quand même. Mais la politique des radars et le grand chantier présidentiel de Jacques Chirac à partir de 2002 ont contribué encore à infléchir la courbe qui, avec une circulation qui a plus que décuplé, a pourtant aujourd'hui comme résultat aux environs de 3000 morts. C'est toujours trop, bien évidemment, mais cette courbe descend. Et donc, là, il y a une histoire des sensibilités à la Corbin qui serait tout à fait, qu'il est tout à fait intéressant d'écrire, parce que autant le phénomène disparaît dans sa massivité, autant il ressort comme insupportable aujourd'hui. Oui, parce que c'est vraiment cette histoire des sensibilités et de l'attention des pouvoirs public sur les ressentis, en l'occurrence, à quel moment il n'est plus possible de supporter autant d'accidents de la route. Vous venez de nous le dire, Mathieu Flonneau, il y a la mise en place de la sécurité routière. On peut dire que c'est aussi la même chose pour les embouteillages. À quel moment il n'est plus supportable d'avoir des embouteillages, donc il faut réfléchir à adapter cette route nationale 7. Faut bien rappeler, hein, la nationale 7, c'est de Paris en Italie, en passant par... À Menton. À Menton, oui, c'est vrai. Menton, on n'est pas encore en Italie, on est juste quoi à que, la frontière. Quoique. En passant par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Etienne, Avignon. Mais il y a la RN6 aussi qui fait le crochet par Auxerre et Chalon-sur-Saône. Dans les deux cas, on arrive près de Lyon. La route bleue, et puis c'est une route tout à fait plurielle. Et elle est concurrencée au bout d'un moment par l'autoroute. Et donc c'est naturellement pour ce millier de kilomètres qui a servi d'ailleurs de modèle aux mille bornes, hein, faut-il le rappeler, le jeu d'Edmond Dujardin. Donc toute cette sociabilité également. Et puis on joue aux mille bornes dans la voiture, évidemment. Et éventuellement, c'est un goodie qui est donné par les stations-service au passage. Donc on occupe les enfants pendant ce temps, mais les mille bornes deviennent des mille bornes d'autoroute. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est précisément que la Nationale 7 va perdre ce rang majeur dans les migrations estivales, pas totalement pour les professionnels de la route dans un premier temps, parce qu'ils seront rétifs au fait de payer pour ne pas forcément rouler beaucoup plus vite sur l'autoroute. Toujours est-il que là où vous posez la question du caractère insupportable, comme pour la sécurité routière, des embouteillages, on peut le dater des années 70, au moment où eh bien la massivité de l'automobile fait que le phénomène automobile rencontre véritablement une limite. Il s'agit désormais de créer des contournements routiers, des villes que vous avez citées tout à l'heure. Il s'agit de les éviter radicalement par les autoroutes. Il s'agit également de créer un personnage qui va assister les départs, bison futé. Donc 75-76, on est dans cette séquence où la massivité de l'automobilisation fait que son succès rend obligatoire des diversions. Oui, parce que la route est le vécu des Français, des Françaises. Alors, à un moment particulier, c'est celui des vacances. Faut souligner aussi combien cette Nationale 7 n'est pas la même selon le calendrier. Il y a des dates précises et vous avez cité Bison Futé, le calendrier avec les couleurs, le rouge, le noir. C'est aussi cette réflexion-là, c'est une route qui vit, qui a un calendrier. Oui, tout à fait, c'est très cyclique, même si aujourd'hui, évidemment, cette route est une route relique par endroit, c'est-à-dire que il n'y a plus véritablement d'activité en dehors d'une forme de nostalgie touristique, mais évidemment, elle est séquencée, et la route de nuit, c'est pas la route de jour. La route de nuit, c'est pas celle qui croise les migrations alternantes de travail, c'est pas celle qui croise les déplacements touristiques, bien évidemment. Et là, vous avez tout un univers. Et cet univers, c'est l'univers qu'on a évoqué tout à l'heure des grands routiers, c'est l'univers également de Paul Morand, des voitures de sport, qui, la nuit, considéraient ça comme leur territoire. Ah oui, parce qu'il y avait ça aussi. Il y avait toutes ces voitures qui pouvaient se croiser sur cette Nationale 7. Nous parlons pour certains lieux de mixité sociale et ces lieux sont remarquables. La Nationale 7 en est un. Bien sûr. Et puis, les gens se croisent. Les gens se croisent au relais routier que j'ai évoqué, mais au restaurant Les 100 Bornes. Au restaurant Les 200 Bornes, c'est l'occasion aussi de faire le ravitaillement. Enfin bref, vous avez parfois au même poste à essence la Mercedes 300 SL et la 4 chevaux. Et oui, et puis c'est ça aussi qui peut créer des soucis parce que, eh bien, au resto routier, parce que les routiers sont sympas, on le sait bien, dans cette proximité, dans cette rencontre que permet la Nationale 7, parfois il y a des frictions. Thank you. Avignon. Montpellier. Montpellier, oui. Montpellier, ok, thank you. Oh my God. Thank you. Oh, that's terrible. It's nothing, you know. It's a little shower. C'est à qui le tas de ferraille qui est devant mon bahut, là? Il y a un con qui me bloque et je peux pas sortir. C'est peut-être votre voiture, monsieur. Je finis mon café et j'y vais. Dis, papa, j'ai autre chose à faire. Hein, je travaille, moi. Je finis mon café et j'y vais. Il finit son café, il y va, c'est Lino Ventura dans le film L'Emmerdeur d'Edouard Molinaro, ce film de 1973. Vous voyez, cette date que nous évoquions, Mathieu Flonneau, pour la sécurité routière, on la retrouve ici. Oui, et puis il y a la campagne Berlier, constructeur lyonnais de camions, qui est intitulée « Je roule pour vous ». Et qui témoigne bien de cet équilibre routier qui s'instaure et qui perdure. Enfin, faut le rappeler quand même aux Parisiens, hein, parce que 80% des échanges en France se passent par la route. On l'a bien vu pendant le confinement. Les gares étaient fermées, pas les routes. C'est aussi un élément fondamental, structurant de la survie de notre mode de vie contemporain. Alors, on peut le contester, on peut éventuellement envisager autre chose, une transition vers d'autres énergies, c'est évident. Néanmoins, il y a là le « Je roule pour vous » de Berlier. Les routiers sont sympas, que vous avez évoqué de Max Meynier, on cherche à montrer les utilités sociales, la robustesse et la capacité. Oui, l'utilité, la route est incontournable. Alors incontournable pour les routiers de manière continue au long de l'année, pour les vacanciers de manière beaucoup plus ponctuelle. Et parmi ces vacanciers qui roulent en 2 chevaux ou en 4 chevaux, il y a ceux qui roulent avec des grosses voitures, les belles américaines. C'est cette rencontre sociale aussi. Oui, un film, Le Cornio, 63, Gérard Houry, vous avez là une Cadillac formidable qui devient celle de Bourville après l'accident de la place du Panthéon, devant Saint-Étienne-du-Mont, on connaît tous les répliques, évidemment vous avez là une mise en abîme d'un patrimoine routier et automobile qui est tout à fait passionnant, parce que le témoignage et l'archive le dit, il y a des étrangers, il y a des anglais, il y a des cultures nationales de l'automobile, une culture anglaise distinguée, un peu suffisante, une culture italienne avec le klaxon 3 tons, une culture française conviviale, une culture américaine gigantesque et puis une culture allemande plus ingénieriale. Vous avez là juxtaposition de culture automobile. C'est tout à fait passionnant à explorer. Il y a des cultures du volant, oui, bien sûr. Et puis ces discussions dont nous parlions, c'est-à-dire... les embouteillages étaient bien pour ça. Le temps de regarder les autres voitures, de comparer les modèles. Oui, et puis sachez, on l'a dit, que les fenêtres ne sont pas fermées. Donc on peut même choper des brides de conversation de la voiture d'à côté. On peut s'en passer parfois, ça peut être sympathique. Il y a une forme de convivialité. On peut évidemment échanger des injures, mais ce n'est pas forcément le seul mode de relation entre les gens. Et puis la joie d'apprendre ces départements. Pour le rappeler aussi. Tout à fait, le jeu sur les plaques minéralogiques, bien sûr, et puis la traversée de ces 8-9 départements, évidemment. Mathieu Flonneau, en tous sens, circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route. L'historien qui se penche sur un tel sujet, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dispose de quelles sources? Parce que, nous l'avons bien dit, c'est une histoire qui touche à énormément d'institutions, mais pas seulement, des entreprises privées, ce qui nécessite donc des enquêtes et au plus près de ceux qui sont porteurs de témoignages. Tout à fait, de toutes sortes, des sources grises, des sources littéraires, le cinéma peut être convoqué, évidemment aussi l'architecture, hein, les bords de route, j'y insiste, ils sont extrêmement révélateurs, et pour la National 7, il y a eu un moment américain, il y a eu un moment motel, il y a eu des espoirs, art déco, il y a eu toute une transfiguration d'architecture, de stations-service, oui, c'est pluriel, absolument, comme champ, et c'est pour cela que c'est très riche et passionnant. Nous avons évoqué cette mixité sociale qui s'opère à certains moments sur la National 7 et sur ses bords de route, c'est la même chose, avec des contrastes saisissants dès qu'il est question de manger, parce que la route est longue et il faut s'arrêter, il faut manger, entre le grand restaurant et le routier, qui est sympa. Oui, tout à fait. Et les restaurants étoilés du côté du Lyonnais sont évidemment référencés immédiatement. La route est aussi une route gastronomique. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Pardon. Dans les classifications culturelles, le tourisme gastronomique est un atout, naturellement, de cette route devenue route axe secondaire. Évidemment, mais axe plus lent, axe où l'on va déguster, ne pas boire plus que raison, évidemment, parce qu'il faut choisir. Néanmoins, vous avez là un point qui est fondamental. Georges Blanc, le village de la gastronomie, vous êtes là dans une mythologie absolue. Mythologie que Roland Barthes, en 57, décrit, peu après la création de la déesse Citroën. C'est une cathédrale moderne, populaire, c'est un enjeu religieux qui relie les gens. Et je sais qu'une archive va venir, l'archive de Charles Trenet, c'est 55, c'est deux ans avant. On est sur quelque chose qui est pluriel, et c'est la profondeur du cliché. Ah oui, parce que ici, dans le patrimoine et dans le cliché, il n'était pas possible, ça aurait été une faute professionnelle, de ne pas inviter Charles Trenet. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. C'est en 1955 que Charles Trenet chantait la National 7. Mais oui, Mathieu Flonneau, essentielle cette chanson, comme souvent la chanson populaire, qui reflète l'air du temps et qui nous en dit beaucoup d'une société. Oui, vous l'avez coupé, je le regrette. Non, évidemment, c'est... C'est pour mieux vous entendre. Non, mais parfois on n'en peut plus, effectivement. Voilà, ce qui touche à la question de façon un peu périphérique, voilà, c'est évidemment Roland Barthes, sans véritablement réfléchir à tout ce que Roland Barthes a pu écrire sur l'automobile. Il y a plusieurs textes. Et puis c'est Charles Trenet. Mais c'est toujours appréciable. Je signale quand même que Charles Trenet a participé à sa propre légende. Il meurt au début des années 2000. Mais en 1992, avec Pierre Bérégovoy, à Nevers, il pose, et des archives l'attestent, il pose la première pierre du pont de Loire. Et il y a des photos qui sont d'ailleurs répertoriées dans les actes d'un colloque qui s'est tenu à Nevers, diligenté par la Société Académique du Nivernais, colloque qui avait eu en 2018 et 2019. Eh bien, on voit Charles Trenet jouer sa légende. Il est sans voiture, il n'a pas sa Cadillac rose à ce moment-là, mais on le voit véritablement avec délices, et c'est une mise en scène absolue, poser cette pierre, il y a une plaque qui le rappelle. Et quelle est la portée de cet aménagement? Il est essentiel, parce que c'est le contournement de Nevers, qui va servir à plusieurs égards, puisque Nevers est à côté du circuit de Formule 1 de Nevers-Magnicourt, projet mitterrandien, faut-il le rappeler, Pierre Bérégovoy, maire de Nevers, porte le projet. C'est l'idée d'éventuellement accélérer les déplacements dans cette partie de la France, mais il y a des revers, parce qu'on les a tellement accélérés que finalement ces villes moyennes et d'importance régionale vont être cantonnées à être des villes de passage ou des villes d'oubli. Et les villes moyennes, c'est une problématique essentielle de la France périphérique contemporaine, évidemment, eh bien, se questionnent naturellement sur ces ouvrages routiers et sur leur sens. Ce qui nous permet de rappeler combien un trajet sur la Nationale 7 nécessitait des étapes, d'où l'importance de ces villes, et que ces contournements, ou l'autoroute bien sûr, a gommé. D'ailleurs, on arrive à estimer le temps de trajet qu'il fallait entre Paris et Menton. C'était énorme, ça ne peut pas se faire en une seule fois, faut s'arrêter, faut manger. Bien sûr, si, les Parisiens se levaient tôt, hein. Wow. Les Parisiens n'hésitaient pas à partir à 4h30, 5h du matin, pour espérer arriver avec les aléas du voyage et les péripéties, parfois sur la Côte d'Azur vers minuit. Ça se faisait, bien sûr. La pause toutes les deux heures. Oui, bah ça, c'était pas forcément respecté. Hein. C'était surtout la pause carburant. Et puis, il y a ce mythe dans les années glorieuses de l'automobilisme, le mythe de la moyenne. Il ne faut pas casser la moyenne. Jean-Yann l'a raillé. Vous êtes devant des comportements ahurissants qu'on jugerait un peu bourrins. Faut quand même le dire. Ouais, oui. Mais ce que vous évoquez là évoque, je pense, chez beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, énormément de souvenirs. Parce que, il faut tenir la moyenne et ça, c'est important. Cette longue histoire de la route nationale 7, c'est notre histoire du rapport à la route de manière plus générale, à la mobilité. Et c'est en cela que c'est passionnant de voir cela. De voir que par le véhicule et par la route qui lui convient et les aménagements, c'est notre rapport simplement au territoire, à notre pays qui évolue. Oui, par capillarité, c'est absolument fondamental. Et l'avion et la logique TGV a beaucoup de nuit. Eh bien, à ce rapport physique, à ce toucher de terrain, ce toucher de route que certains décrivent, et l'on n'en voit plus trop les dépendances. Ou plutôt, on ne les voit que du côté négatif des externalités, évidemment, écologiques, aujourd'hui très contestées et légitimement. Néanmoins, on ne voit plus les apports. On ne voit plus cette économie réelle qui a été créée. Et on s'en aperçoit lorsque les déserts médicaux font leur apparition, lorsque des tensions liées aussi aux usages de la route, le 80 km/h en a été une. Pourquoi archaïser le système automobile? Cela a été perçu ainsi. Et là, évidemment, beaucoup de logiques se percutent parce que la mobilité n'est pas une fin en soi, néanmoins c'est une condition de l'atteinte d'un certain niveau de vie de nos sociétés. Et on comprend bien que la problématique de soutenabilité environnementale soit aujourd'hui extrêmement prégnante, mais elle n'épuise pas tout. Elle n'épuise pas la problématique de la soutenabilité territoriale et économique, justement, de la France. Avec des représentations qui évoluent, et c'est pas du tout la même chose de traverser la France par l'autoroute ou par la nationale. Tenez sur l'autoroute, on ne voit pas ce qu'il y a sur le bord de la route. Ça va beaucoup trop vite à 130. Alors ça, justement, c'est quelque chose qu'on est en train de revoir. C'est-à-dire que les autoroutes ont été dotées de panneaux, éventuellement touristiques, avec parfois beaucoup de lobbying pour faire sortir de l'autoroute. Les aires d'autoroute ont intégré de plus en plus des produits locaux. L'idée que cette autoroute ne soit plus qu'un corridor fermé sur l'extérieur rejaillit également avec cette transition énergétique qui est en cours, parce que si l'on veut électrifier les parcs, il va falloir des bornes de recharge, il va falloir faire patienter. Et donc, certains plaisantent en disant que ça va être un renouveau de l'apéritif. Alors, c'est évidemment contradictoire avec les nécessités de la sécurité routière, mais cette pause absolument nécessaire et qui va le devenir sur un parc électromobilisé, eh bien, elle permet de redécouvrir un voyage plus lent, un voyage différent. Oui, voyage plus lent, voyage où l'on peut avoir des surprises sur la route comme ça, au bord, on se dit, tiens, mets le clignotant et gare-toi. Petit spectacle devenu familier sur les routes estivales, intermède rafraîchissant dans les longues randonnées touristiques, voici les marchands de fruits de la Nationale 7 entre le pont de Bompas et Orgon. D'année en année, ils sont plus nombreux à installer leurs tréteaux au bord même de la chaussée. Leurs melons, leurs pêches, leurs abricots, leurs poires composent des tableaux colorés qui font plaisir à l'œil et excitent la soif du voyageur gavé de kilomètres et de poussière. Alors pour celui qui n'a pas la hantise de la fameuse et quelquefois néfaste moyenne, Il fait bon s'arrêter, joindre le plaisir de la conversation avec le sympathique vendeur à l'utilité du ravitaillement frais. En quelque sorte, les marchands de la route deviennent les auxiliaires de la sagesse des automobilistes. Voilà, n'est-ce pas, qui n'est pas mal. C'est pas mal du tout, Provence Actualité en 1965, la vente de fruits sur les bords de la Nationale 7. Ben voilà, là aussi, Mathieu Flonneau, ce sont ces moments de convivialité. Et le voyage est déjà partie intégrante des vacances. Mais tout à fait, ce n'est pas qu'un déplacement. Il y a une profondeur à ce voyage, c'est une émission d'histoire, Fernand Braudel, dans l'identité de la France, je le cite, prendre la route et, de ses propres yeux, inventorier cette diversité. Rien ne sert de parler théoriquement de la diversité française. Il faut la voir, et bien la voir de ses yeux, se délecter de ses couleurs, de ses odeurs, la toucher de ses mains. Il faut même la manger, la boire à l'auberge authentique. Magnifique. L'identité de la France avec, dans cette identité-là, ce qui, une fois patiné, devient patrimoine. Pour la Nationale 7, à quel moment peut-on commencer à dater la disparition de ce qu'elle a représenté pour tant de Français et tant de Françaises ? Alors, dans un programme de recherche auquel la professeure Anne-Marie Granet-Abissé de l'Université de Grenoble m'avait convié, on avait cherché à comprendre les ressorts de ce phénomène de patrimonialisation qui est absolument datable, passionnant, qui vient après ce que j'avais moi-même découvert aux États-Unis d'Amérique autour de la route 66. Et évidemment, les inspirateurs de la patrimonialisation de la route nationale 7 se sont inspirés de ceci qui apparaît aux États-Unis d'Amérique à la fin de la décennie des années 90. En France, c'est au cours des années 2005-2010 que des associations se structurent, que des bouchons artificiels sont créés pour rejouer, véritablement rejouer sur le même mode de la reconstitution historique. Il y en a à Austerlitz et Waterloo, mais il y en a aussi à La Palice. Le monde perdu. Et là, c'est quand même une vraie réflexion tout imprégnée des considérations que Pierre Nora peut avoir sur la nature de la mémoire en France. Parce que là, vous êtes dans la décennie, vous évoquiez Valéry Giscard d'Estaing, mais c'est évidemment une décennie charnière. C'est une décennie où la France commence à se sentir déclassée. Et c'est une réalité, c'est une ville, c'est une nation qui devient une nation moyenne, qui a toujours des prétentions universalistes, à certains égards totalement justifiées, mais finalement, on retrouve sur la route ce même processus de perte de rang, puis on essaye de le tenir toujours. Mais il y a d'autres voies pour l'investir. Alors on va l'investir avec ce que la France fait de mieux, c'est-à-dire le tourisme, c'est-à-dire cette industrie nouvelle qui devient majeure, mais qui n'est pas sans produire une image assez ironique de la France. Michel Houellebecq l'a très bien dit, c'est la carte et le territoire, c'est ce décalage entre les deux. Et si la France n'est plus une nation productive, ça peut être aussi très inquiétant. Oui, et ici, nous retrouvons la Nationale 7, mais plus généralement la route. Nous avons commencé cette émission, Mathieu Flonneau, en disant que cette route, c'est l'image d'une société. Alors, quand nous regardons les routes d'aujourd'hui, quand vous les étudiez, ça nous donne quoi comme image de la société ? Alors, les lobbies routiers sont là à dire qu'aujourd'hui, on ne les entretient pas assez, on n'arrive pas suffisamment à en construire, mais il faut reconnaître que les barreaux autoroutiers extrêmement contestés, vous ne l'ignorez pas. Aujourd'hui, les dernières infrastructures éventuellement à construire font l'objet d'opposition avec cette lame de fond écologique qui traverse la société et encore une fois qui a sa légitimité, mais dont toutes les limites doivent être pointées également. Les limites démocratiques déjà. Qui véritablement valide ce type de projet ? Est-ce que la représentation qui a voté des crédits pour ces projets n'est pas plus fondée que quelques groupuscules à les défendre ? Première chose. Deuxième chose, évidemment, à qui profite cette route ? N'a-t-il pas une majorité silencieuse que l'on n'entend pas, mais qui va emprunter finalement cette route ? Et les questionnements sur la fin du monde ne sont-ils pas déconnectés des questionnements sur la fin de moi ? La route est au carrefour, si j'ose dire, eh bien de cela, au rond-point. Les ronds-points sont évidemment investis parfois par les gilets jaunes et il y a des questions là qui se posent sur l'usage des routes, sur leur gratuité, sur leur universalisme que remettent en question des mesures comme les zones à faible émission. Enfin, on croise toutes les problématiques. Hein. C'est ce qui rend évidemment comme un origami tout à fait passionnant le déploiement, le dépliement de ces problématiques qui s'enchaînent, qui s'encastrent. Mais la route, c'est tout. La route porte. La route, la rue, porte toutes ces problématiques. Et puis dire la route, c'est couvrir tant et tant de vécu quotidien. Nous parlions de la Nationale 7 qui concerne des citadins bien souvent qui traversent le pays pour se rendre en vacances. Et la réalité de la route pour de nombreux Français et Françaises, c'est simplement au quotidien pouvoir aller au travail. C'est en cela que le regard de l'historien est nécessaire pour l'actualité. On l'entend bien dans tout ce que vous dites là. Un peu de recul, ça fait du bien aussi pour réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui sur ces questions de route. Encore une fois, ce qui me guide, c'est que l'histoire sociale se construit sur le massif, sur le déploiement, sur le capacitaire, quelques domaines que vous preniez en considération. La route est massive, la route est universelle et la route est capacitaire. Donc ces trois cases sont cochées. Je demande avec beaucoup d'intérêt, mais aussi de scepticisme et de curiosité, quel degré de développement et de mobilité l'on est à même d'assurer en se privant de la route. Voilà, c'est comme toujours beaucoup de réflexions nécessaires à ces questionnements qui ne sont pas simples. Mais si c'était simple, il y aurait une réponse évidente et tout le monde serait d'accord. C'est pourquoi la multiplicité des regards nous permet de mieux comprendre, et le regard de l'historien, eh bien, comprendre la route, c'est le titre de ce colloque qui va se tenir à Cerisy, les colloques de Cerisy. Merci vivement à vous Mathieu Flonneau. Et je rappelle cet ouvrage En tout sens, circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route. Et puis il y a vos autres ouvrages, mais j'ai pas le temps de tous les dire, on les retrouve sur le site internet lecoursdelhistoirefranceculture.fr. On va mettre aussi les références de ce colloque de la Société Académique du Nivernais consacré à la Nationale 7. Ben, merci vivement à vous de nous avoir conduits. Pour nous, maintenant, c'est le pourquoi du comment. Voici Gérard Noiriel. Pourquoi commémorer la révolte des Lippes ? Le 12 juin 1973, il y a tout juste un demi-siècle, le plan social concernant l'entreprise horlogère Lippes à Besançon fut le point de départ de l'un des plus importants conflits sociaux des années 1970. L'historien américain Donald Reed a consacré un livre très dense sur cette affaire, récemment traduit en français. Il montre bien pourquoi cette lutte a été emblématique des enjeux économiques, sociaux, politiques et culturels qui caractérisèrent cette période. Cette entreprise était un symbole d'une forme de capitalisme condamné à disparaître en raison de la mondialisation néolibérale. Le paternalisme à l'ancienne, imposé par le patron Fred Lipp, avait eu pour effet de conforter l'identité collective d'une classe ouvrière enracinée localement, cimentée aussi par l'isolement et par la tradition historique des horlogers de la montagne jurassienne. La forte imprégnation chrétienne de ce milieu social fut aussi un levier de la lutte grâce à l'Action catholique ouvrière et à la jeunesse agricole chrétienne, la CFDT ayant pris le relais au niveau syndical. La devise traditionnelle de la province, « Compte-toi, rends-toi, nenni ma foi », fut le symbole d'une résistance collective que les ouvriers en lutte traduisirent dans leur langage de classe avec des slogans comme « Nous voulons vivre et travailler au pays » ou « L'usine est là où sont les travailleurs ». Cet idéal collectif se concrétisa dans des formes de lutte reposant sur la démocratie directe. L'occupation de l'usine, les assemblées générales et les manifestations débouchèrent sur des actions inédites. Les salariés de l'IP inaugurèrent en effet une forme d'autogestion en travaillant pour leur propre compte afin de produire des montres écoulées lors de ventes sauvages. En 1977, après de multiples péripéties, les LIP fondèrent plusieurs coopératives. Dans un contexte politique et social encore marqué par le puissant mouvement de mai 68, cette lutte sociale suscita un immense élan de solidarité dans toute la France. Elle fut largement popularisée dans des revues, dans la presse, dans le cinéma et le théâtre, notamment grâce à l'Association des Amis de LIP qui compta jusqu'à 10 000 adhérents. La dimension nationale, prise par ce conflit local, explique la radicalisation de l'action des militants catholiques qui évoluèrent au cours de la lutte d'une contestation éthique du capitalisme vers une contestation politique et sociale. Le soutien des féministes encouragea aussi les ouvrières de l'IP à s'engager elles aussi massivement dans le rejet du plan social. Ce conflit eut également des répercussions importantes dans le champ politique. Tous les partis de gauche apportèrent leur soutien au mouvement. pour les leaders de ce qu'on appelait alors la deuxième gauche, qui regroupait les militants engagés dans une démarche autogestionnaire, la lutte des LIP fut un exemple emblématique des nouvelles formes d'action qu'il fallait développer. Si cet idéal autogestionnaire s'est finalement brisé sur le mur des réalités capitalistes, l'entreprise LIP existe toujours aujourd'hui. Elle diffuse ses montres en vente directe sur son site internet et dispose en France d'un réseau de 770 horlogers détaillants. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Antoine Tropé, émission préparée sur la route par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Dudès, Gillian Tilly, Tom Umdenstock et Maïwenn Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster à volonté sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.